Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, eh bien la précédente émission de Racine de Moisin était consacrée au livre de Yannick Ogor, Le paysan impossible, récit de lutte. Je vous propose aujourd'hui de continuer dans la même veine avec le livre de Xavier Noulian, Le ménage des champs, chronique d'un éleveur au XXIe siècle. Deux ouvrages qui sont parus donc aux éditions du Bout de la Ville. Je vous propose d'écouter une interview qui a été réalisée par Canal Sud, une radio libre du sud-ouest de la France, pas loin de Toulouse, et qui a mis en forme cette interview de manière assez plaisante. Pour cette première partie, qu'on va entendre maintenant, Xavier nous parle de son parcours à travers les dédales de l'administration. Cet ancien ingénieur de Rhône-Poulenc, chargé d'appliquer les normes industrielles chez le géant de la chimie, s'est reconverti en éleveur de brebis soumis à la réglementation européenne bio. Il explique comment, de Rhône-Poulenc à Planté, sa ferme dans le Lot-et-Garonne, les logiques industrielles de la normalisation et de la certification, de la qualité et de la traçabilité, n'ont jamais cessé de diriger son activité et, plus largement, sa vie. Il nous décrit ici, par l'expérience de sa formation agricole, de son installation et des contrôles qu'il subit, à quel point lui et son activité sont rigoureusement administrés. L'entretien est agrémenté de lectures d'extraits de son livre. On y a aussi ajouté des extraits de films qui mettent en perspective le vécu de Xavier au travers de situations plus ou moins fictives de contrôle, de délire bureaucratique ou de froide machinerie sociale dans des domaines aussi divers que la recherche d'emploi, la procréation ou la réparation d'un système de climatisation. Car le fil rouge que déroule Xavier, de l'industrie chimique à l'agriculture, a des ramifications dans chacune de nos prises individuelles avec l'État et le capitalisme, c'est-à-dire dans l'ensemble de nos faits et gestes quotidiens. Donc moi je bossais dans un service qui s'occupait essentiellement des matériaux. Il y avait un service environnement et donc j'y m'étais arrivé de travailler avec ce type là qui était un mec plutôt désagréable, un type de Normandie. Et donc à chaque fois qu'on est convoqué dans son bureau, c'est en général pour des choses pas très agréables. Et donc moi je suis à un mois de partir et donc ce mec là me convoque effectivement, et au moment où je rentre, je suis un peu tendu, je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il me convoque. D'un coup il s'assouplit, il devient tout chamallow, il a presque la larme à l'œil et il se met à me raconter sa vie dans la ferme de son grand-père en Normandie. Ce mec-là, moi j'ai à l'époque 28 ans, il en a plus d'une cinquantaine. Du coup, je me retrouve vers une espèce d'évocation assez étonnante d'une vie à la campagne que moi je ne connais pas encore, évidemment. Donc pour moi, ça n'évoque absolument rien. Et voilà, il se met à me dire qu'il a toujours rêvé faire ce que je vais faire, retourner dans la ferme de son grand-père. Et quand il se met à m'évoquer la campagne, moi j'arrive de la campagne, j'ai vécu à côté d'Arles, donc j'ai vécu à côté de la campagne. Et quand il me décrit la campagne que lui a connue, à laquelle il voudrait revenir, je me rends compte qu'en réalité, il y a un vrai problème entre lui et moi, c'est que moi j'ai grandi dans une société, même si c'était à la campagne, dans une société industrielle, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône dans les années 70, c'est une des choses que j'évoque dans le livre. C'est un département où il y a un énorme programme d'industrialisation, moi j'ai grandi là-dedans. Et je me préparais depuis tout petit à rentrer dans ce monde de technicien, parce que c'était vraiment comme ça qu'on l'envisageait. Et quand lui, il évoque la campagne, en fait, je me dis, mais de quoi il parle, quoi ? Enfin, je connais pas cette campagne-là. Et lui, il garde, alors qu'il bosse dans l'industrie, il garde cette espèce de vision complètement hallucinée de la campagne, avec une agriculture qui doit dater des années 40, 50. Alors que cette agriculture-là, quand il m'en parle, elle existe quasiment plus. J'ai vu avancer la ville ou l'organisation industrielle de la société dans une campagne qui était presque vierge au moment où je suis né, quoi. Donc ça, là-dessus, j'ai été déniaisé par les Bouches-du-Rhône. Page 89. Revenons à Planté, à l'époque où, 6 mois après notre arrivée, nous pûmes apporter nos premiers fromages sur les marchés. Notre vie était encore secouée par les tourbillons du parcours d'installation. Mais, sur les marchés, nous réalisions que ce que viennent chercher les clients, en plus des fromages, c'est l'image d'une agriculture réconciliée avec le monde. dans lequel ils vivent si mal. Il leur importe que nous respections le bien-être des animaux, que nous vivions dans une harmonie sereine avec la nature, que nous développions des méthodes alternatives, alors que nous vivions au cœur d'un maelstrom bureaucratique qui fait que notre quotidien est aux antipodes de l'image du retour à la nature qui nous est apposée. Bien loin de l'image du retour à la simplicité de la vie à la campagne, aux vraies valeurs du contact avec la terre, ou des images émouvantes de la vie d'antan. Bref, j'ai l'impression de me retrouver à nouveau devant le chef de service environnement de Rhône Poulenc, avec sa vision hallucinée de la campagne. Pour nous, le choc fut d'une violence inouïe, car, pendant ces premières années, les plus dures, nous nous interdisions littéralement de parler de la réalité de notre quotidien. Nous intériorisions le grand écart que nous devions faire chaque semaine entre l'image d'une bio alternative à une vie artificialisée et la réalité bureaucratique de la certification qui en est le développement le plus profond. Très rapidement, quand on a voulu quitter Paris et changer de vie, l'élevage s'est un peu imposé à moi quand on s'est mis à chercher des fermes. Je ne vais pas venir là-dessus, mais voilà. Donc j'ai décidé assez tôt de faire de l'élevage. Et puis, dans nos rencontres, quand on a cherché des fermes, donc on était quand même 4 ou 5 familles à chercher une ferme pour acheter, pour s'installer au même endroit, on avait rencontré un type qu'on aimait beaucoup sur le Cosmé-Jean. Et le deal, c'était, vu qu'on n'avait pas trouvé de ferme, d'aller habiter chez lui. Et que moi, je fasse ma formation à Florac, au plein milieu des Cévennes. Je me dis, ça va être le bonheur là-bas, au milieu des brebis, des chèvres. Et je me dis, ça va vraiment être agréable, parce qu'il y a des centres de formation agricole à Marseille. Hein. Mais là, je me dis, là-bas, je vais être vraiment au milieu de la nature. Quand je me décide de rentrer dans l'agriculture, je ne sais même pas pourquoi. J'imagine même pas ne pas passer de diplôme. C'est vraiment un truc très très français. Alors qu'en réalité, il faut quand même au moins le dire, parce qu'on est, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Pour être agriculteur, c'est très simple, quoi. Il suffit d'avoir un moyen de production, c'est-à-dire avoir des terres, et puis téléphoner à la MSA, dire à la MSA, j'ai un moyen de production. Que ce soit des terres, un bâtiment, n'importe quoi, parce qu'on peut faire du hors-sol, il n'y a pas de souci pour la MSA, normal, et de se déclarer, et puis ça y est, on est agriculteur. Il n'y a que la MSA qui donne le statut d'agriculteur. La seule raison pour laquelle on fait un diplôme, on passe un diplôme pour avoir la capacité de toucher les aides, donc des aides à l'installation, avec dotation jeune agriculteur, plus des prêts à taux bonifiés et toute la SMALA. Et que, du coup, alors ça, il y a un truc très particulier là-dedans, c'est que si tu... Donc, soit tu décides d'être agriculteur, tu te déclares et puis après tu te débrouilles, sachant que l'administration ne va pas t'oublier, elle va se rappeler à toi. Soit tu décides, comme je décris dans le bouquin, de prendre la voie classique. Et en fait, pendant toute cette année de formation, je me rends compte rapidement que l'objet de la formation n'est pas de nous expliquer comment est-ce qu'on cultive, comment est-ce qu'on élève des animaux. On a des cours là-dessus, on pourrait peut-être y revenir dessus. Mais en fait, on va dire que 70% du temps est consacré à rencontrer l'administration, à comprendre comment est-ce qu'on gère un rapport à l'administration avec la direction départementale de l'agriculture, parce que c'est là où on fait des déclarations PAC, avec la DSV par rapport aux histoires sanitaires, avec la direction sur l'élevage. Enfin, on t'apprend à établir sainement un rapport à l'administration. 70% du temps ne sert qu'à ça, et effectivement, on a des matinées entières où les gens de l'administration déboulent devant nous et nous expliquent l'historique de leur administration, à quoi elle est censée servir, et surtout, comment est-ce qu'on s'adresse à eux, comment est-ce qu'on remplit les documents, quelles erreurs il ne faut pas faire, quelles dates il faut respecter. Et en fait, le BPREA sert essentiellement à ça. Donc tu prépares le brevet de... Le BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Parce que si on veut pouvoir prétendre à la dotation, à faire des demandes de dossiers de subvention, c'est un tel boulot, et ça, il faut quand même le reconnaître, c'est un tel boulot et c'est un tel délire, et c'est tellement pas évident l'état d'esprit bureaucratique et administratif qu'il faut bien une préparation, parce que si tu te lances là-dedans tout seul, t'abandonnes, quoi. Tous les gens qui essayent de se lancer là-dedans abandonnent. Donc ça, on met un peu de temps à comprendre, quand même. Et ça m'a pris des années avant de réaliser à quel point est-ce que l'agriculture était administrée, quoi. Et à quel point est-ce qu'on te prépare à être administré. Sachant que ça, finalement, j'y étais plutôt pas trop mal préparé, puisque dans plein d'autres domaines, on t'apprend à être ça. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où j'ai quitté mon boulot et je suis devenu chômeur, le rapport aux ACELIC, c'était exactement le même rapport que j'ai eu dans l'agriculture, quand j'étais agriculteur avec l'administration agricole. C'est exactement le même type de rapport, quoi. Vous avez l'allocation demandeur d'emploi réservée à ceux qui peuvent et veulent travailler. Mais dans votre cas, si vous êtes malade, vous devez demander une pension et puis accepter une évaluation. C'est ce que j'ai fait, mais ils m'ont envoyé bouler. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi, à moins que vous fassiez appel au sujet de la demande de pension. Bon, donnez-moi le formulaire pour allocation demandeur d'emploi, et je vais prendre aussi le formulaire, celui pour faire appel pour la pension. Vous devez postuler en ligne, monsieur. Je connais rien à tout ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez joindre l'assistance téléphonique. Écoutez, suffit que j'ai un petit bout de terre, je construis une maison entière. Mais j'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Chez nous, tout est dématérialisé par défaut. Ah, c'est reparti. Partout où j'appelle, on me dit, c'est dématérialisé par défaut. Ben moi, j'utilise un stylo par défaut. Il se passe quoi pour ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur ? Il y a un numéro spécial si vous avez été diagnostiqué dyslexique. Filez-moi ce numéro alors. L'ordinateur, ça me rend complètement dyslexique. Vous trouverez le numéro sur Internet. Maintenant, si vous n'avez pas de rendez-vous, je vais vous demander de vous en aller. Au nom de Dieu. La personne qui m'a donné envie de faire de l'élevage, c'est ce couple-là. C'est des gens qui ont voilà, une exploitation où il y a 600 hectares, 500 brebis. C'est des brebis, c'est des blackface. Il n'y a pas de bâtiment. C'est ce qu'on appelle à l'anglaise, donc en plein air intégral. C'est une race très fière. Le boulot est vraiment assez étonnant. C'est pas du tout l'image que je me faisais de l'élevage. C'est-à-dire que je fais beaucoup de travail de clôture et tout. Les animaux sont à moitié sauvages. Pour te dire, quand je me suis lancé dans la chèvre après, le fait d'avoir un animal qui s'approche de moi et qui vient presque se caresser sur ma jambe, je trouvais ça pathologique quoi, comme comportement. Parce qu'un animal d'élevage, pendant les premières années d'élevage, pour moi, c'est un animal qui me fuit. Donc j'ai un rapport vraiment très très éloigné avec les animaux. Un agneau, il me voit trois fois dans sa vie, au moment de sa naissance, parce que je suis obligé de lui mettre une bougie d'identification, au moment où je le sépare de sa mère, au moment où je l'amène à l'abattoir. Donc tu vois le délire. Mais en même temps, pendant toute cette vie-là, lui, il est avec les siens. Par exemple, tu vois, le truc une des découvertes que j'ai eues là-bas, c'est qu'en fait, les brebis, et ça, je pense qu'il y a très peu d'éleveurs qui le savent en France, les brebis, ça fonctionne en famille. C'est-à-dire que quand tu vois des animaux dans les Bouches-du-Rhône qui sortent d'un bâtiment, on dit en rigolant qu'ils ont la forme du bâtiment. Et c'est vrai, ils restent en groupe. Mais quand tu vois des animaux qui, depuis 25 ans, sont en liberté, en fait, tu vois, la dame chez qui j'étais me disait, tu vois, Xavier, là, la bête qui arrive, là, tu as la grand-mère, tu as la mère, tu as deux filles et trois ou quatre petites filles. Et en fait, on avait le parc d'hiver, là où elle passait l'hiver, on allait leur donner du foin, ça faisait 140 hectares. Et quand on arrivait en tracteur, tu voyais des animaux qui arrivaient de partout, pas du tout d'instinct grégaire, et ça fonctionnait sous forme de famille. Donc moi, quand je vois ça, bon, c'est la grosse claque. Et d'un coup, le matin, premier matin où je descends, donc moi je passe 2-3 mois chez eux, premier matin où je descends et on fait non pas un cours sur l'élevage, mais sur la zootechnie. Alors la zootechnie, c'est la science de l'élevage. C'est-à-dire, c'est la première fois où on essaye de rationaliser l'élevage, ça se passe au 19e siècle. Et grosso modo, la science de l'élevage, c'est comment est-ce qu'on concentre les animaux dans un bâtiment et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne meurent pas de ça, parce que tout les emmène à mourir dans un bâtiment. La concentration des déjections, tout ça amène l'animal à mourir. Et donc, la science de l'élevage, c'est comment maintenir un animal en vie dans des conditions qui sont objectivement des conditions invivables. Le pire, c'est que c'est faisable. Alors, au 19e siècle, pour le dire quand même, ça n'a pas marché, évidemment. Quand on a mis en place la zootechnie, il n'y avait pas encore d'antibiotiques dans l'élevage, et donc les animaux crevaient. Donc ils ont arrêté ça, mais les connaissances sont restées là, et dès que les antibiotiques ont déboulé après la Première Guerre mondiale, voilà, on est parti à fond dans la zootechnie. Et donc dans la zootechnie, dans la science de l'élevage, ben, on t'apprend, comme je l'explique dans le livre, plein de trucs... que tu découvres, effectivement, quand un animal fait un mètre, il perd 0,2 calories. Et donc, s'il fait un kilomètre, ben, tu multiplies. Et la perte des calories, c'est une perte de production, et blablabla, et blablabla, et tout ça. Et moi, je suis dans une exploitation agricole où il n'y a pas de bâtiment, donc elle perd des calories en pagaille. Et bizarrement, on arrive quand même à faire des agneaux, et bizarrement, on arrive quand même à les vendre, et bizarrement, ils sont meilleurs que les autres. Et du coup... Bon voilà, tu vois, les premières réflexions arrivent de là, quoi, entre l'espèce de délire. Et pourtant, les gens qui me font ces cours-là, c'est pas des scientifiques, ce sont des éleveurs. Des gens qui ont des élevages, même la prof de zootechnie, c'était ma voisine. Et chez elle, évidemment, elle n'applique pas la zootechnie. Et d'ailleurs, elle te dit, on donne pas de luzerne à une brebis parce que ça la fait météoriser et donc elle meurt. Et tu lui dis non mais en fait c'est pas aussi simple que ça, puisque il y a des moments de l'année, il y a des stades de la plante où où il y a même il y a certaines conditions météorologiques qui font que l'animal peut ne pas gonfler. Et elle te dit oui, et pourquoi vous ne nous l'apprenez pas? Bah parce que ça, c'est pas de la zootechnie. Oui, mais ça, c'est votre expérience. Mais je suis pas là pour vous apprendre mon expérience. Je suis là pour vous apprendre la zootechnie. Elle est pas bête, vraiment pas. C'est une personne qui a pas encore réussi à réduire la fracture, on va dire. Il y a une fracture en elle, elle fait un travail, et elle apprend autre chose à la... Sa vie, c'est ça, et en fait, elle a une espèce de truc cassé devant elle, et tu sens qu'elle n'arrive pas à réduire cette fracture-là. Et dans la salle, personne n'arrive à réduire cette fracture-là. Ça prend des années avant de réussir à mettre des mots sur les choses, avant de savoir. Parce qu'une des particularités du monde agricole, c'est qu'ils connaissent plus leur histoire. La zootechnie, personne ne connaît le terme de zootechnie chez les éleveurs, quasiment. D'accord ? Enfin, c'est un mot que j'ai découvert à ce moment-là, et quand j'en parle à d'autres éleveurs, il y a plein de mots qui connaissent pas ce mot. Il y a plein de gens d'éleveurs qui connaissent pas ce terme-là. D'accord. Ne pas connaître ce terme-là, ça veut dire que tu connais pas l'histoire de l'élevage, parce que ça a une place vraiment prédominante. Et donc, ce que j'appelle réduire la fracture, c'est ça. C'est même si tu as des os cassés, le temps de les remettre tous en face pour qu'ils puissent se recoller, ça prend des années. Cette dame-là, elle n'était pas du tout fanat de la zootechnie. Il n'empêche qu'elle en utilisait des morceaux. Et elle voyait pas le problème qu'il y avait avec sa manière de travailler. Elle arrivait, tu vois, et c'était, tu sentais une gêne chez elle, quoi. Et comme chez la plupart des éleveurs, quoi. Que la zootechnie était à l'élevage, ce que la linguistique était au roman, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, tu peux être un expert de la zootechnie et être incapable d'élever des animaux, et quand tu es un expert de la linguistique, je pense que tu es absolument incapable d'écrire un roman, parce qu'il y a plein de choses il y a une grosse différence entre les deux, c'est qu'il y a, je suis pas très poète, moi, mais il y a quand même une vraie poésie dans l'écriture d'un roman ou dans l'élevage que t'as pas dans la science de quoi que ce soit, quoi. L'objet même de la science, c'est de dévitaliser les choses pour pouvoir les étudier. Et l'objet même du travail d'éleveur, hein, qui était vraiment une grosse différence avec ce que je faisais avant, c'est que pour le coup, je vais pas dire t'es dans le vivant, mais t'es dans le réel, et que là, tout est vitalité, quoi. Et donc c'est ça que tu dois apprendre à gérer. Page 103. La fonction publique, avec ses concours et sa science, avec ses bonnes intentions et son réflexe autoritaire, est ambition civilisatrice permanente. Aujourd'hui, en plus de ses instituteurs et de son armée, elle apporte un concept planétaire, le durable, avec une majuscule, qui est une méthode d'appréhension du monde, une manière d'envisager l'avenir. Comme à l'époque des soviets, ce n'est pas la façon dont vous envisagez votre propre vie qui compte, mais la façon dont votre vie s'intégrera dans l'avenir de tous. Et ce n'est évidemment pas vous qui pouvez le choisir, puisque cela vous dépasse, mais ce cher modèle de pensée numérique, bel oxymore. C'est de cette façon que la nanotechnologie ou la biologie de synthèse peuvent apparaître comme des technologies qui sauveront l'humanité, pendant qu'un éleveur de ruminants, dont les animaux mangent de l'herbe, finit par être perçu, lui, comme néfaste pour l'environnement à cause du méthane que produisent ces vaches en se contentant de ruminer bêtement, ce qui aggrave quotidiennement le trou dans la couche d'ozone. Notre éleveur intégrera la famille durable à partir du moment où il acceptera d'utiliser des animaux savamment améliorés par la génétique, de manière à ne plus émettre de méthane parce que leur corps aura été modifié génétiquement pour héberger des bactéries inédites dans un corps de ruminant qui consommeront le gaz d'épée avant son expulsion par le trou de balle. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous ne voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va Vincent ? Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Donc voilà, donc si tu veux, moi j'en étais à ma troisième installation, puisqu'on a essayé de s'installer en Lozère, après pendant 2 ans, en collectif, ça n'a pas fonctionné, on s'est engueulé. On a essayé de s'installer dans les Bouches-du-Rhône, où on a fait du fromage, et où ça n'a pas fonctionné, on est resté 2 ans aussi. Donc si tu veux, c'est la troisième installation en 4 ans, et donc c'est la dernière, quoi. Parce qu'on a tout juste encore assez d'énergie pour retenter cette expérience-là. On sait très bien que si ça marche pas, on se vautre. Là, on n'a plus le choix. On est obligé de partir sur une installation et des tabous, à t'être éveillé, tu vois, on va dire, à commencer à t'éveiller à ce que ça signifie tout ça, même si c'était un peu de loin, parce que j'étais jamais vraiment rentré dedans. On sait qu'on va être obligé de franchir le pas. La réalité, elle est d'une violence absolument incroyable. Parce que si tu veux, d'abord, tu prends un risque financier qui est assez comique, parce qu'on a dû faire, 170 ou 200 000 euros. D'emprunt sur l'installation, c'était 300 000 euros, fallait acheter une ferme et compagnie. À partir au moment où tu rentres là-dedans, et ben du coup effectivement t'acceptes le rapport à l'administration, donc là tout le monde déboule, personne ne t'explique ce qu'il faut que tu fasses, parce que là la formation est censée jouer son rôle, c'est-à-dire tu dois connaître les dates, déposer le dossier 1 avant le dossier 2, tu dois monter physiquement ton exploitation, retaper la baraque, enfin tout refaire, respecter les... Voilà. Donc tu rentres d'un coup, moi j'ai jamais connu ça avant, j'ai beau avoir été cadre dans l'industrie, cette espèce d'état de tension, je l'ai jamais connu avant. Pour l'expliquer d'une manière un petit peu plus détaillée, donc on va dire que t'es en train de faire des mises bas, et en même temps tu es en train d'établir les plans de ta fromagerie, et puis de monter un chauffage pour ta maison. Et là, tu dois établir les plans de la fromagerie qui doivent respecter les normes d'hygiène. Les normes d'hygiène, évidemment, c'est un peu comme le traité de Maastricht, c'est absolument incompréhensible. Et il n'y a pas du tout d'indication pour construire une fromagerie. C'est juste, tu sais, par exemple, que y a un concept de marche en avant. C'est-à-dire que quand le lait rentre dans la fromagerie, le lait, quelle que soit son étape de transformation, il ne doit pas revenir en arrière. Et on te dit ça. Et toi, à partir de là, tu dois fabriquer un plan de fromagerie. Et avec, par exemple, avec des moules qui se croient, les moules qui doivent croiser les fromages parce qu'ils doivent aller dans la salle de fabrication, de lavage. Et en fait, objectivement, c'est impossible de faire un plan avec sans retour en arrière. Et pourtant, c'est l'idéologie de l'industrie et c'est aussi l'idéologie de l'administration. Et donc tu te dis, bon, ben, c'est pas très grave, j'ai pas peur de parler aux gens, je vais aller voir les services vétérinaires pour leur dire, bon, comment je fais là, parce que je comprends pas. Et le mec te dit, mais en fait, c'est pas mon boulot, ça, de t'aider à faire un plan de fromagerie. Mon boulot, c'est venir te contrôler et de t'autoriser ou t'interdire. Bah ouais, mais bon, montrez-moi un plan idéal, vous en avez bien. Non, non, ça n'existe pas. En fait, il n'y a aucun plan qui fonctionne. Ah bon, mais je fais comment? Ah ben ça, c'est ton problème. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Mais c'est... Le guichet 2. Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer. Mais je ne veux pas le port. Je veux... Allons, allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Que désirent ces messieurs, mon ami? Je ne sais pas, monsieur le préfet. Ils bredouillent des choses incompréhensibles. Nous cherchons le guichet 2. Le guichet 2. Voyons, où l'ont-ils mis, celui-là? La dernière fois qu'on l'a vu, monsieur le préfet, il était au 3e étage, couloir B, porte 6, monsieur le préfet. Eh bien, vous voilà renseigné, messieurs. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Oh, ça a l'air de s'arranger, hein? Je commence à me méfier. Et là, en plus, tu te rends compte que chaque activité de ta ferme est gérée par une administration. C'est-à-dire, tu vas avoir une remorque. Bon, ben, la remorque, il y a une norme une norme de sécurité pour les remorques, et t'as un bureau de l'administration qui est censé venir pouvoir te contrôler sur. T'as le tas de fumier. Donc, en fonction de certains critères, t'as le droit de mettre ton tas de fumier, de gérer. Et donc, tu t'aperçois qu'il y a une flop. Même en ayant fait une formation, tu t'aperçois que t'es loin de connaître le monceau de traités administratifs qui gèrent ton exploitation. Il y a un document administratif pour chaque chose que tu fais dans ta journée. Et le seul fait le fait que tu sois pas contrôlé systématiquement tous les jours, c'est juste parce que l'administration est incapable d'appliquer cette réglementation-là. Mais à chaque fois que tu imagines que tu fais un geste, par exemple, instinctivement, je me suis fabriqué des machines en arrivant parce qu'on n'avait pas les sous pour acheter des machines neuves. À partir du moment où tu fabriques une machine, tu peux plus prendre stagiaire, tu peux plus embaucher quelqu'un parce que ta machine n'est pas aux normes. Et donc c'est fini, quoi. Si quelqu'un se blesse chez toi, t'es pas sûr. Enfin, tu vois. Et donc, rentrer dans cette espèce de truc, et même si je m'étais pas installé avec les aides, le fait de s'installer avec les aides, c'est que tout le monde te tombe sur la gueule en espace de 3 mois. Mais il faut pas croire que si tu t'installes sans les aides, que ça va pas te tomber sur la gueule, parce que la réglementation, elle est pour tout le monde. Hein. Que ce soit là, dans une fromagerie ou quoi, c'est pour tout le monde. En fin de compte, je crois que je sais fort bien d'où il me vient ce cheveu gris. Je suis même persuadé de l'avoir ramené d'une odyssée à travers l'administration, et je pense que j'ai ramené non seulement ce cheveu gris, mais également la chanson qui va suivre de ces chemins épineux et sinueux que j'ai parcourus pendant pas mal de temps. Et cette chanson a de commun avec les démarches administratives qu'elle est extrêmement épuisante, qu'elle coûte beaucoup de souffle et d'énergie. Et c'est pour ça que je vous demanderai de m'accorder un petit entracte après pour me remettre émotions. Jalisse l'administration, me semblait sans enchantement, ce qui ne tenait qu'au fait que je manquais d'entraînement. Aujourd'hui je suis chez moi dans tous les services publics, et je me balade sûr de moi sur la voie hiérarchique. Et ceci depuis qu'un très officiel office exigeait, par lettre recommandée, veuillez envoyer sans délai un formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Jusqu'à ce jour-là, j'ignorais que cette chose existait, mais qui avouerait cela? Par conséquent, je ramassais mes papiers que je garde dans un vieux carton en cachette, permis de pêche, contravention et ancienne vignette. Muni de ces documents, je choisissais à la mairie une porte à pile ou face. Bonjour, auriez-vous ici un formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Ah, disait l'homme au bureau, tout ce que vous voulez, bien sûr, mais je ne suis que le remplaçant de l'employé en cure. Moi, je pourrais vous remettre à la rigueur le dépliant. Comment maigrir en 3 jours tout en mangeant normalement? Mais allez voir le gardien, paraît qu'il connaît la maison. Et c'est ce que je faisais. Dites monsieur, où trouve-t-on un questionnaire formulant la copie du demandeur avec mentions inutiles? Attendez, une erreur. Sur la nécessité de la formulaire. Non, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, vous ne savez pas où il y en a. Désolé, vous faites fausse route, et si mon brave monsieur, faut aller rue Jean Jaurès, sa création de contentieux, au cercle consultatif du comité des imprimés. Mais faudrait se grouiller un peu, parce qu'à 2 heures, ça va fermer. Alors là, vous dites un petit bonjour au concierge de ma part, qui vous envoie au bureau 110, et ils en ont plein l'armoire. Des formulaires demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. le dis pour tous ceux qui veulent s'installer. Tout le monde te le dit, mais c'est une évidence, il faut démarrer avec des chevrettes, c'est-à-dire des animaux qui sont tout juste nés, que tu vas aller acheter chez un éleveur et que tu vas élever à ta manière à toi, même si tu ne sais pas encore comment le faire. Parce que quand tu achètes un troupeau adulte, même s'il est sain, la chèvre, c'est hyper sensible. Et dès que tu le changes d'élevage, dès que tu changes l'alimentation, elle est capable de développer des maladies qu'elle a de manière endémique. C'est-à-dire que honnêtement, l'éleveur, quand il m'a vendu les chèvres, il ne savait pas que ces animaux avaient des maladies de ce type-là. En fait, elles étaient dans leur environnement, elles étaient capables de elles s'étaient immunisées contre ces maladies. Mais le simple stress d'arriver chez moi, et alors que je les ai traités correctement, enfin comme un éleveur peut le faire lorsqu'il aime bien ses animaux, en fait, le stress leur a fait développer une maladie qui est très très connue chez les éleveurs, dont on parle pas beaucoup, qui s'appelle la paratuberculose, qui est une maladie qui est donc pour le coup réputée inguérissable. Et donc nous, on a déjà mis un an et demi. C'est-à-dire on avait la première année, on a dû avoir une trentaine d'animaux sur 50 qui sont morts. Donc ça part par paquet de 5-6, tu comprends pas, ça part en diarrhée, tu deviens fou, quoi, comme si ça suffisait pas. Et en fait, il a fallu que j'hospitalise des animaux à l'école vétérinaire de Toulouse pour que, à un prix relativement modique, ils finissent par me faire un diagnostic, parce que c'est en plus très compliqué de faire des diagnostics là-dessus. Donc lorsque le diagnostic tombe, on se dit, bon ben voilà, on sait au moins ce qu'on a, et donc là tu retournes chez toi, tu vas voir tes vétos, et les mecs te disent, ben c'est très simple, hein, cette maladie elle est pas guérissable, donc tu abats les animaux. Et là t'arrives. En plus, c'est déjà foutu, parce qu'elles ont déjà commencé à produire du fumier, elles sont déjà allées sur les pâturages. C'est-à-dire que cette maladie-là, en fait, elle est partout chez toi. Si tu refuses l'abattage, qui est la méthode officielle de guérison de cette maladie-là, toujours aujourd'hui, eh ben, d'un coup, tu te retrouves en plus lâché par cette administration. Donc, ça fait un an et demi que tu te coltines cette administration en espérant un jour être dans les clous. Et en fait, tu te retrouves avec ce truc-là qui carrément il te lâche, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, t'as beau dire je vais essayer, tu vois, de pas avoir toujours l'administration sur le dos, de pas être toujours en contradiction avec l'administration, il y a à un moment donné, t'es quand même arrivé dans l'élevage parce que t'avais envie d'un type d'élevage. Donc tu commences à le mettre en place. Et par exemple, abattre des animaux parce qu'ils sont malades, c'est pas du tout, ça fait pas partie de notre conception de l'élevage. Donc à un moment donné, tu dis bon là, on arrête. Et donc tu te dis voilà. Et là, tu te retrouves, t'as plus personne. Si t'abats ton troupeau, qu'il faut que tu... Bah, en fait, ça te fait couler, non? Ouais, mais ça, je veux dire, il n'y a pas de souci, parce que les banques sont là pour te prêter... Enfin, je veux dire, là, on est dans le système de l'élevage où les banques sont là pour te prêter de l'argent que tu ne seras pas capable de rembourser pour pouvoir continuer ton activité à perte, puisque ça les nourrit et que l'objectif, c'est que tu sois capable de produire du chiffre d'affaires qui nourrit tout le monde, même si ça ne te nourrit pas toi. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. On va même te trouver des aides pour racheter ton troupeau et redémarrer. Quand même, on s'était engagé en bio, donc même si la réglementation bio est un peu laxiste, quand même, tu dois continuer à faire sortir tes animaux pour les faire pâturer dehors. Et ça, d'un coup, avec la paratuberculose, c'est une maladie qui résiste, même dans des conditions extrêmes de fumier, qui peut être capable de résister 2 ans. Donc sur un pâturage, ça peut facilement résister 2, 3, 4, 5 ans. D'un coup, tu ne peux plus sortir des animaux. Et donc, là, tu dis, bon, bah, c'est facile, les gars, moi, je suis en bio, donc il faut que je continue à faire sortir mes animaux. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir le faire. Et en fait, ton certificateur bio, il te dit, si, si, il n'y a pas de souci, tu vas les garder à l'intérieur. Bah ouais, mais ça contrevient au lien au sol. Ouais, mais on s'en fout, en fait. Parce que là, il y a un problème sanitaire. Donc, en fait, cette réglementation, tu peux la contourner, il n'y a pas de problème. Et là, tu dis, bah... Donc tu vois, je veux dire, tu commences à réaliser que même la certification bio, en fait, elle est pas aussi rigide que ça. Et donc voilà, donc on se retrouve avec cette maladie là, et pour le coup, ça nous fait rentrer parce que du coup on est démunis, c'est-à-dire qu'il y a plus de veto qui veut travailler avec toi, et donc vu qu'il est hors de question qu'on arrête, on était déjà rentré dans les méthodes de phytothérapie d'homéopathie avant, mais là on est vraiment obligé de s'y mettre sérieusement parce qu'il faut qu'on trouve une solution à notre portée, et on n'a pas la possibilité de faire des diagnostics allopathiques, c'est-à-dire avec des produits chimiques, et donc la seule chose qui est à notre portée, c'est les méthodes alternatives, et donc on se lance là-dedans vraiment à corps perdu, genre je sais pas, je fais 2-3 formations par an pour essayer de comprendre comment fonctionne un animal, comment fonctionnent les méthodes de lutte alternative, et de voir comment est-ce qu'on va réussir à sauver ces animaux-là. Et donc là, effectivement, on est enfin tombé sur un vétérinaire qui, euh, qui s'appelle Gilles Grosmont, qui n'a pas forcément une super réputation partout en France. Il y a beaucoup d'éleveurs qui l'aiment pas, pour plein de raisons, mais bon, qui fait que lui, voilà, il nous dit, c'est très simple, on va sauver les animaux en 2 ans, et c'est même pas moi qui va le faire, c'est toi. Et donc, en fait, il nous donne avec Séverine toutes les connaissances de base sur c'est quoi le système immunitaire d'un animal. Alors là, par exemple, système immunitaire d'un animal, par exemple, à l'école vétérinaire de Toulouse, ils savent pas ce que c'est, un système immunitaire, parce que la particularité des écoles vétérinaires, c'est qu'ils travaillent sur tout, sauf, ils ne font jamais appel au système immunitaire de l'animal. La blague, par exemple, c'est que quand j'ai commencé à me mettre à l'allopathie et la phytothérapie, ça m'est arrivé de revenir encore à l'école vétérinaire de Toulouse. Et donc, quand j'hospitalisais les animaux, t'avais un étudiant qui était là avec un papier, un stylo, qui me disait « Bon, alors, vous avez fait quoi sur cet animal ?» Ben, je lui disais « Ben voilà, j'ai fait une cure d'ortie de prêle pour les oligo-éléments. J'ai fait… » Là, tu vois, le mec, il a stylo levé. Et donc, pendant cinq minutes, tu lui dis tous les traitements que t'as fait, homéopathique et tout. Il écrit rien. Et puis d'un coup, tu lui dis, et puis j'ai fait un antibiotique, un tylène de sang. Et là, tac, tu vois, le mec, il écrit. Et tu lui dis, non, mais je vous ai dit ça juste pour voir si vous n'étiez pas endormi. Le mec, il considère que tu ne fais rien. Et donc, quand tu lui parles système immunitaire, il dit, non, mais système immunitaire, on ne peut pas lui faire confiance pour guérir un animal. Alors que, par exemple, une mammite, quand on guérit une mammite, c'est une infection de la mamelle sur un animal, 70% du travail, c'est le système immunitaire qui le fait. Un antibiotique ne fait que 30% du boulot. Bon, voilà, donc juste pour expliquer vraiment que le fait que t'es seul, parce que vraiment, de toute façon, tu ne peux pas faire appel aux vétérinaires, ils savent pas faire. Et ce type-là, en fait, depuis les années 70, il est tout seul dans son coin, il développe des mélanges de plantes, d'homéopathie, d'huile essentielle, et il développe tout un catalogue qui vont aux éleveurs. En fait, il ne fait du travail que pour le milieu vétérinaire. Et donc avec lui, on apprend tout le fonctionnement du système immunitaire et surtout comment s'autonomiser, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la particularité, c'est que aujourd'hui, on a une armoire avec tous les produits dont on a besoin dans l'année, non seulement parce que ça fait 15 ans qu'on fait de l'élevage, donc au bout d'un moment, tu connais tes pathologies. C'est rare que, surtout quand tu rentres pas des nouveaux animaux, à partir du moment, je le comprends à ce moment-là, on te dit tout le temps dans l'élevage, tu auras moins de problèmes quand tous les animaux que tu as chez toi seront nés chez toi. Et c'est parce qu'au bout d'un moment, tu as une espèce d'équilibre qui se fabrique entre le terroir. Alors ça faisait partie des choses qui étaient dans la bio au départ. Cette espèce de relation, ce qu'on appelle le lien au sol. Il y a une espèce d'équilibre qui se fabrique dans la ferme entre le terrain, ses pathologies à elle, et puis tes animaux et ses pathologies. Il y a vraiment un équilibre qui se fabrique. Et au bout d'un moment, c'est très rare que tu aies des nouvelles pathologies qui apparaissent. Et donc là, aujourd'hui, on a une armoire avec tous les produits qu'on a besoin pour l'année. Et personne ne vient faire de diagnostic chez nous, on n'appelle pas de veto, on est devenu autonome en l'espace de 2 ans, quoi. Le 110, vous plaisantez, me dit le concierge songeur. Ils essaient depuis 2 mois de se mettre sur ordinateur. Quant au guichet de section qui doit accueillir les urgences, c'est fermé, car le mardi, l'adjoint du chef part en avance. Madame Gine était en stage. Et Monsieur Paul fête son jubilé. Y a plus qu'à voir aux archives des biens qui voudront vous donner un formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire. Donc pique conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Je frappais, j'entrais et je sentais un violent tic nerveux. Une dame sirotait un café sans lever les yeux. Puis elle prit un tricot, moi je souriais bêtement. Elle se faisait les ongles et arrosait un cactus répugnant. Je chuchotais, auriez-vous ? Puis je hurlais les larmes aux yeux, me roulais par terre en bavant et en tambourinant. Je veux m'en formuler aux demandes, tension du questionnaire sur la nécessité de la remise de formulaire. Donc en pique en forme, et merde alors espèce de verru, mettez-vous vos formulaires où vous voulez, n'en parlons plus. Je rampais jusqu'au couloir et m'effondrais en sanglotant. Mais un garçon de bureau m'allongea délicatement sur ses dossiers et me consola en poussant son chariot. Roulons vite chez l'infirmière, elle va guérir le gros bobo. Attendez un petit instant, faut tout juste que je distribue le paquet de formulaires. Vous êtes couché dessus. voyez ce tas de paperasse poussiéreuse, ça va être envoyé à l'office des bureaux, ils vont mettre ça au pilon ou les petits chapeaux, ils vont s'en faire les petits bateaux. Et vous, si ça peut vous être utile comme brouillon, allez-y, servez-vous, ça peut toujours aller comme au verso, c'est ces trucs totalement superflus, comment ils appellent ça? Ah oui, le formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire. Donc, un copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. On avait contracté ce qu'on appelle une PHAE, c'est-à-dire une prime à l'herbe agro-environnementale. Donc ça, peut-être qu'on en discutera, parce que c'est vraiment, ça fait partie du nœud de la guerre de ce qui nous attend dans les prochaines années, c'est-à-dire l'espèce de verdissement de la politique agricole commune. Donc ça, dans l'agriculture, on est absolument au fait de ce qui nous attend et de ce qui attend tout le monde et à quoi va ressembler cette espèce d'écologie de demain. Et donc on contracte ce truc-là, une prime à l'herbe agro-environnementale. Et en fait, bizarrement, ça déclenche un contrôle où en fait il y a un satellite qui passe au-dessus de chez nous et qui prend des photos de notre ferme. Donc c'est des photos infrarouges. Pourquoi infrarouges ? Parce qu'ils sont capables de voir si tu as travaillé les terres dans l'année, parce qu'elles sont plus froides, ils sont capables de voir, ils voient un peu tout, ils voient aussi les nombres d'animaux que tu as. Enfin, vraiment, c'est des photos où nous, on reconnaît nos animaux. C'est des chèvres, hein, c'est pas des vaches, donc ça veut dire que quand on voit la photo, je suis capable de dire là, il y a le bouc, là, il y a telle chèvre. Et donc le mec, il arrive, et puis effectivement, il me dit sur 14 hectares, donc 14 hectares, c'est 140 000 mètres carrés. Il y a un problème sur 200 mètres carrés parce que j'ai construit une serre dessus. Et cette serre, eh ben, en fait, il conteste le fait que ça soit une surface agricole. Alors le mec, il découvre le problème en arrivant chez moi. C'est-à-dire qu'il a pas du tout même préparé. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui a déclenché le contrôle. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une comparaison informatique entre la photo satellite et la déclaration de la PAC, donc la déclaration politique agricole commune que je fais, que tous les agriculteurs font tous les ans. Et donc à partir de là, dès qu'il y a un petit écart, boum, ça balance un contrôleur qui vient chez toi et qui découvre sur ton exploitation le problème. Et donc 200 mètres carrés, c'est ridicule, mais vu que l'ordinateur a décidé qu'il fallait contrôler, le contrôleur il procède au contrôle. Facilement, j'arrive à argumenter contre lui parce que je connais bien le métier, je connais bien ma ferme, donc il n'arrive pas du tout à imposer ces 200 mètres carrés qu'il veut m'enlever. Et puis finalement, c'est même pas lui qui cède, c'est l'ordinateur, puisque l'ordinateur, pendant le contrôle, s'aperçoit que 200 mètres carrés, c'est en dessous de la précision de mesure du satellite. Et donc le contrôle s'arrête comme ça, boum, terminé, puisque de toute façon, la mesure n'est pas valide et que si je m'y oppose, eh ben, je peux faire sauter le contrôle. Central service. Central service. Ah oui. Nous voilà. Nous voilà. La climatisation fait des siennes. Alors elle fait des siennes. Ah, non, non, non, c'est tout va bien. C'est réparé. Réparé. Oui. Je veux dire, c'est réparé tout seul. C'est réparé tout seul, alors. Réparé tout seul, c'est pas ça. Oui, oui. Les machines se réparent pas toutes seules. Non, elles se réparent pas seules. Ah, je te parie qu'il a fourragé dedans. Oui, il a fourragé dedans. Oui, bon, enfin, je suis désolé de vous avoir dérangé pour... Non, il y a aucun changement, non. Ah, je crois qu'on va jeter juste un petit coup d'œil. Oui, un petit coup d'œil. Voyons ça. Vous avez le bon 27B-6. Le bon 27B-6. Le bon 27B-6. Le bon 27B-6. Bon 27B-6. Là, vous voyez ce que vous lui avez fait? Mais je... Avez-vous le bon 27B-6? Non. Bon, d'accord. Mais on va le chercher. Ça va, hein, ça va aller, hein, ça va, ça oui, va aller, hein, ça va aller. Je suis un peu pointilleux, question paperasserie, mais après tout, on pourrait pas s'en sortir si on suivait pas la procédure, hein. On va revenir. Oui, on va revenir. Eh bien, dis qu'on va arranger ça, t'en fais pas. Merci d'être venu. On va revenir, tu peux jouer au plus malin, t'en fumier. Merci, oui, merci, au revoir. Et donc là, d'un coup, tout le monde se détend, puisque l'ordinateur fermé, le mec redevient pas normal, il redevient, enfin, il y a une espèce de tension qui descend, comme si justement l'administration venait de sortir de la pièce, et comme si tous les deux, on était deux personnes dans un café, on se met à discuter. Et donc là, du coup, je me permets de lui demander d'où il vient, ce qu'il a fait, enfin voilà, le rapport reprend un caractère un peu humain. Et donc le mec, il m'explique que évidemment il a un BTS, qu'il voudrait bien s'installer, il est d'origine d'Afrique du Centre, je crois, et qu'il aimerait bien s'installer en tant qu'agriculteur, mais qu'en fait, il n'a pas grandi en France. Donc, l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, il ne l'a pas. L'état d'esprit administratif. Et donc, c'est un truc qu'il n'arrive pas à comprendre. Comment s'installer. Ça lui paraît tellement compliqué que du coup, on lui a proposé un poste de contrôleur et qu'en attendant, il fait ça. Mais d'un coup, le mec me dit qu'en fait, il vient d'acheter 1 ou 2 hectares sur Bordeaux et qu'en fait, il est à la recherche de chèvres, de réformes, pour pouvoir installer ses chèvres sur cette surface et puis pour pouvoir alimenter la communauté africaine de Bordeaux. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et du coup, tu te retrouves dans une situation où... là, tu t'aperçois que c'est pas lui, l'administration. Vraiment, là, tu te réalises qu'elle était là dans la pièce et qu'elle vient de partir. Ce mec-là, qui est là pour venir te contrôler, donc dans une espèce de rapport vraiment, je vois pas d'autre mot, orwellien, tu vois, c'est-à-dire une espèce de délire, de espèce qu'on appellerait une dystopie, mais qui est vraiment une utopie administrative où tout pourrait être contrôlé. J'utilise le terme d'ambiance Blade Runner, quoi, dans le bouquin, parce que c'est vraiment une administration qui a besoin, pour pouvoir être appliquée, de gens qu'elle paye mal, qu'elle forme mal, et qui, eux-mêmes, pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là, sont obligés de contrevenir à la réglementation qu'ils sont censés contrôler. Et donc, le mec me demande, il sait très bien que c'est complètement illégal, ce qu'il me demande, puisqu'il n'est pas éleveur, il n'a pas de statut, donc il n'a pas le droit d'acheter des animaux pour les installer. Et donc, tu vois, ah ouais, putain, c'est juste carrément fou comme situation, juste à la fin du contrôle. Et il me dit bien, bon alors là, le contrôle, il est fini, hein. Pour bien montrer que voilà, on rentre dans la vraie vie, quoi. Parce que lui et moi, on est dans des situations qui sont absolument invivables. C'est-à-dire, lui, il met dans une situation invivable. Son boulot, je fais pas partie de ces éleveurs qui s'en prennent aux contrôleurs quand ils viennent chez eux, parce que je vois très bien le type de boulot qu'ils font. Et j'ai pas envie de me tromper de cible. S'il y a une cible, c'est l'administration, quoi. Même si on a du mal à voir qui c'est sûrement pas le contrôleur, quoi. Quoi, qu'est-ce que vous faites ici? Est-il légal? Eh bien, oui et non. Officiellement, seuls les agents de Central Service sont autorisés à réparer. Tenez ça, s'il vous plaît. C'est quoi? Ben aujourd'hui, avec toute leur nouvelle réglementation et le reste, un technicien qualifié, c'est devenu la perle rare. Alors ils sont enclins à fermer les yeux à condition que je ne fasse pas de boulettes. Notez bien, s'ils réussissaient à prouver que je bricole le matériel officiel, et ben là, j'en prendrai pour mon grade, ah oui. Mais il serait plus simple de vous voulez travailler ça, pour... s'il vous plaît? Ça, là, oui, oui. Oui, il serait peut-être plus simple de travailler pour Central Service, non? Oh, non, alors, je pourrais plus supporter la... Ça commence à chauffer. Vous ne pourriez pas supporter quoi? La paperasserie, je déteste la paperasserie. Écoutez, si tout votre système de chauffage prenait feu, hein, j'aurais pas le droit d'ouvrir le robinet à moins de présenter le bon 27B-6 en règle. Putain de paperasserie. Oh! Il faut bien qu'il y en ait un peu, sinon rien ne marcherait. Pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse dans ce boulot, c'est l'action, c'est l'aventure. On va partout, on n'a pas d'entrave, on rentre, on sort. Un homme seul aux prises avec la souffrance. Aujourd'hui, tout le pays est quadrillé, on n'ose pas lever le petit doigt sans un formulaire. Et ben voilà, c'était ça votre problème, hein? C'est réparable? Non, c'est foutu. Mais je peux vous poser une dérivation, ce truc-là, hein? Moi, je veux bien. Et là, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. C'est la première fois où je commence vraiment à réaliser c'est quoi une administration. Parce que finalement, bon, moi, je ne travaille pas dans l'administration. Pourtant, je connais la réglementation. Je connais le fonctionnement de l'administration. Le mec en face de moi, il connaît la réglementation. Mais en fait, il n'est pas l'administration lui-même, puisqu'il est incapable de prendre des décisions lorsque j'ai des arguments pour m'opposer à ça. Et en fait, je me rends compte que lui et moi, on discute très bien tous les deux. On connaît très très bien tout ce vocabulaire-là. Je me rends compte que son vocabulaire à lui, en fait, je le maîtrise. Il n'y a pas de mots que je suis incapable de comprendre. Alors que, j'en parle dans le livre, hein, j'ai eu des relations pendant des années avec un voisin qui avait 85 ans, qui était donc un agriculteur avec lequel je m'entendais bien, qui était à la retraite depuis des années, qui avait connu l'agriculture à partir des années 50. Lui, par exemple, tout le vocabulaire de l'administration, il ne le connaît pas. C'est-à-dire que quand il y a un contrôleur qui déboule chez lui, c'est l'incompréhension totale. Et là, je me rends compte qu'entre ce vieux et moi, il s'est passé un truc quand même. Parce que ce vocabulaire-là, moi, je l'ai acquis. Et donc finalement, je me sens presque plus proche de ce contrôleur que de mon voisin avec lequel je m'entends bien, alors que je ne m'entends pas du tout avec ce contrôleur. Et donc tu commences à réaliser le travail qu'il y a eu sur, moi j'ai 30 balais à cette époque-là, en 30 ans, et j'ai beau rentrer dans l'agriculture, je suis beaucoup plus proche d'un contrôleur que d'un agriculteur des années 50 à 80, 90. Et donc finalement, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte que tu fais partie de l'administration. T'es là, toi, la seule différence qu'il y a entre le contrôleur et toi, c'est que lui, il est là pour vérifier ce que tu fais, et toi, t'es là pour appliquer la réglementation de l'administration, même si tu la connais mal. Tout le monde voudrait imaginer qu'il y a une différence entre le contrôleur et les éleveurs. Ils sont pas pareils que nous, mais si on regarde la situation, notamment si t'as un point de référence dans le passé, on est tous devenus beaucoup plus proches. Et donc, il va falloir se défaire de ça, et ça va pas être simple. Ça va pas être simple, parce que c'est vraiment une culture d'éleveur. T'as beau avoir, tu vois, des bâtiments en bois, avoir l'autocollant de la Confédération Paysanne sur ta bagnole. Objectivement, quand tu te rends compte que toutes ces méthodes-là, tu les as intégrées avec une facilité déconcertante, tu te rends compte que s'il doit y avoir un travail de déconstruction, il va être un peu compliqué à faire. C'est vraiment le contrôle qui m'a permis de réaliser que pratiquement je faisais partie de l'administration en réalité, et que cette activité agricole, elle était vraiment administrée à un point que j'aurais pas du tout imaginé au départ. Ah, voilà, c'est fini. Écoutez, vous, je voudrais vous dédommager. Ça coûte combien pour la réparation? Ah, laissez tomber. Ah, bon, merci. Écoute, fils, tous les deux, on doit se tenir les coudes. Allez. D'accord. Tout va bien. Page 126. Lorsqu'il regarde son propre troupeau, l'éleveur n'y voit plus sa marque, mais la patte du fonctionnaire anonyme. Il suffit, pour s'en convaincre, d'imaginer ce que devenue la liberté d'un éleveur laitier qui livre du lait dans une zone AOC où il n'a pas le choix de la race de ses vaches. Vaches pour lesquelles la ration alimentaire est définie dans un cahier des charges dont il ne doit pas s'écarter. Ration avec laquelle il doit produire annuellement une quantité de lait définie par un quota qu'il ne doit pas dépasser. Si c'est lui qui fabrique le fromage, il devra le faire dans le cadre des normes d'hygiène industrielle, tout en respectant le protocole de fabrication du fromage défini par l'AOC. Enfin, s'il a encore le courage d'être en bio, tout son travail devra également respecter un autre cadre, celui du cahier des charges européen de l'agriculture biologique. À n'en pas douter, un chemin si administrativement bien encadré le conduira à la dépossession totale, et ce même chemin lui permettra en plus de développer sa propre administrabilité. La liberté qu'il perdra en route est ce qui constitue l'essence de son métier. Les vaches font me. Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la chef des vaches qui l'entend arriver, et la chef des mouches suit la chef des vaches. Le bouseux ouvre les portes pour brouter, c'est leur hache. Me font les vaches, les vaches font me. elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis, faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les treilleuses sont branchées, c'est la fin de la journée. Chip, chip, font les machines font chip, chip. Me, me, me font les vaches font me, me. On ne traite pas les mouches, car elles n'ont pas de lait. Et puis que les treilleuses, ça ne s'est pas volé. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc, et puis bon appétit. Voilà pour cette première partie sur le parcours administré de Xavier Nouliane, de l'industrie chimique à l'élevage bio de brebis. Vous avez entendu plusieurs lectures de son livre, Le ménage des champs, paru aux éditions du Bout de la Ville. Vous avez aussi entendu des extraits des films suivants, Moi Daniel Blake, Bienvenue à Gattaca, Les 12 travaux d'Astérix et Brasil. Et enfin, Frédéric May avec sa chanson Le formulaire et Marcel et son orchestre qui chantaient Les vaches. Vous écoutez donc Radio Zinzine et c'est l'émission Racine de Moisin qui était consacrée donc au livre de Xavier Nouliane, Le ménage des champs. Donc voilà, c'était la première partie, la seconde partie dans peut-être la semaine prochaine, avec un peu de chance. Et voilà, je voulais remercier Canal Sud d'avoir réalisé cette interview, de l'avoir mise en forme avec les petits extraits bien appropriés de bande son et de musique. Cette émission se termine et je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.